match et moi je peux encore décoller. Elle est bonne, j'en ai eu un torticolis. Va leur dire que les loups sont partis. Faut pas t'affoler, je vais pas te dévorer. Je t'aurais bien proposé une partie de voler. Rien dans la poitrine, donc rien à voler. Jeune noir ne pense qu'à batifoler. Si tu danses, tu auras du jaune, du violet. Du jaune, du violet, si tu fermes les volets. Je veux bien qu'on se clash à Saint-Honoré. On verra laquelle des cartes s'arrête la première. J'suis claqué casca dans le vide, ça a plu à quelques filles. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas on finir tous ensemble dans un lit. Tous ensemble dans un lit, pousser le délire. Je les trempe, plus de mots, tu fais quoi dans la vie. Moi je me balade du côté de Rivoli. C'est du sale qui se passe sous les yeux de Mona Lisa.